le ballon et le but de l'équipe de France. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, hein. Ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. N'empêche que grâce à moi, on se rappelle que Florent Malouda a marqué un but quand même. Ce Florent Malouda, je m'en suis jamais que je peux dire que vous... hey, c'est pas Nijardou qui s'en rappellerait celui-là. Hein. Oh une... oh. Ah bah attends. On a ce dur. Quoi? Mais non, mais. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Ah voilà. J'avais oublié. Ah, voilà. Ah mais je suis comme elle, moi. J'ai du mal à me rappeler. Je voudrais juste d'abord dédier cette chronique à Kung Fu Panda qui nous écoute et qui se reconnaîtra. Juste, alors, je voulais te demander, Fredo, si l'attaque de la Libye, c'est pro Real ou pro Barça? J'ai du mal à. Je parle pas des deux mecs qui jouent en pointe. Hein, je te parle au niveau politique. Hein. Non, parce que bon, c'était pour ça. Polo qui nous a parlé de Klose qui est hyper motivé pour aller en Pologne à l'Euro, hein, avec toute l'équipe d'Allemagne qui est très motivée pour aller en Pologne. Je voulais juste savoir si dans le quart, ils vont mettre Wagner à l'entrée de Varsovie. pour ce motif. Non, mais moi, je fais tellement, c'est tellement gros. Non, mais ce qui est bien, c'est que j'avais plus besoin de les faire. Tu vois, il y a... C'est tellement beau. Elle est très bonne quand même. Alors Polo c'est pas vrai, il aime pas que on dit toujours, si on stigmatise Polo comme quoi il aime que l'Allemagne, les joueurs allemands, c'est pas vrai, il aimait bien ce joueur argentin, la Gabi Heinze par exemple, ou alors le joueur italien là, Dario Hübner, enfin quelqu'un de très ouvert. Polo est très très ouvert aux autres pays. Oui, je reste avec toi, Fredo. T'as fait une très belle interview dans l'équipe de José Mourinho qui expliquait que il était lassé des fois d'être José Mourinho. Le mec, il est pauvre chéri, il est lassé à José Mourinho, mais tu crois que Michel Estevan, il est pas lassé d'être Michel Estevan? Tu crois que Jean Fernandez avec sa tête et cheveux qui tombent et son survêt, il est pas lassé d'être Jean Fernandez? Tu crois que Guy Lacombe avec sa moustache, ça au milieu et ses clubs qui sont toujours relégables, il aimerait pas être lassé d'être José Mourinho, tu crois? Vous faites marrer, vous. Tu viens dans Ligue 1 voir ce que c'est que d'être lassé, d'être, enfin bref, quoi. Bon, vous faites bien marrer. Fernando Torres, qu'on a comparé à Jean-Eudes Maurice sous prétexte qu'il avait coûté 50 millions, alors soi-disant c'est cher, moi je peux dire que Jean-Eudes Maurice, même gratuit, c'est trop cher, c'est quand même. C'est un concept qui n'est que parisien. Hein. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais. Oui, je voulais revenir donc aussi sur le débat de début, c'est-à-dire l'équipe de France. L'équipe de France qui est. C'est sur les grandes retrouvailles entre Ribéry et Gourcuff. On était un petit peu flippés, mais c'est normal parce que tu vois, Francky, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était très touché, il était hyper déçu de l'attitude de Johan. Vous avez vu? On s'y attendait pas, celle-là. Et c'est vrai que moi je le comprends parce que tu vois, on a tous vécu ça. Tu sais, tu pars en colo de vacances, tu vois, tu pécho la plus belle meuf dans le car scolaire, tu vois, je veux dire, sauf que tout le monde t'a grillé, la meuf, elle a trop la tombe parce que t'es trop moche, elle veut plus descendre du bus, en plus ton meilleur pote, il s'est fait virer de la colo parce qu'il a dit fuck au mono, et la meuf, quand elle se barre de la colo, elle t'envoie pas un SMS, elle en a rien à foutre, tout ça parce que tes parents, ils sont saoulés, putain, mais merde, on a le droit d'avoir 14 ans dans ce pays, bordel! Enfin bref, quoi. Mais visiblement, on comprend pas les jeunes. On les comprend pas toujours, même quand ils parlent. Et Patrice Evra, qui a fait sa première conférence de presse depuis longtemps et qui nous dit que justement lui il dit par rapport aux critiques qu'il a eues contre lui, les paroles sont faciles et les actes plus difficiles. Alors pour ceux qui pensent que les paroles sont faciles, j'aurais quand même qu'ils réécoutent une dernière fois la conf de presse de Ribéry et qu'ils voient si vraiment les paroles sont faciles, en tout cas faciles à comprendre, faciles à dire. Je pense que Patrice Evra il est un petit peu dur. D'ailleurs Ribéry et Evra qui ne vont sûrement pas entrer. Parce qu'il y en a un qui va être sifflé, l'autre siffloté, j'ai pas très bien compris la différence. Hein, et il va les laisser sur le banc. Il dit mais c'est pas grave, s'ils sont sifflés, ils sont sifflés. En même temps, c'est vrai que si tu les mets sur le banc, ils sont plus près des tribunes, il y a quand même une meilleure chance de pouvoir les insulter, leur cracher dessus. C'est quand même pas mal. Et puis Benzema, pour un auditeur, Benzema n'est pas un tueur. C'est un truc qu'il a dit souvent. Il a dit Benzema c'est pas un tueur, c'est pas comme Henry. Je pense qu'il devait parler de Patrick Henry. Parce que... effectivement. Effectivement, c'est Patrick Henry est un tueur, Benzema n'est pas un tueur. Alors, est-ce que vraiment c'est la solution d'avoir un tueur d'enfant dans l'équipe? Même si contre la Croatie, un Milosevic aurait fait l'affaire. Je parle évidemment du joueur de la Serbie, hein, mais malheureusement, il joue pas pour nous. Et puis, Gourcuff est critiqué pour ses coups francs. C'est parce qu'il fait des petits pas à la Wilkinson. Mais faut reconnaître qu'il a vraiment le style Wilkinson, il est aussi efficace. Il a l'élégance de Wilkinson, le même genre d'élan, la même frappe de balle. Et puis pareil, pile entre les poteaux, 4 mètres au-dessus, impeccable. Le problème, c'est que bon, voilà, c'est pas le même sport. Je pense qu'il est mûr pour le rugby. Hein. En tout cas, il est mûr pour le calendrier des dieux du stade. Ça, c'est sûr. Fred qui a dit qu'il avait, des fois, il avait besoin de retourner dans le Pas-de-Calais. C'est ouais. Vrai, t'as dit, ouais, j'ai besoin de retourner dans le Pas-de-Calais. Mais c'est vrai que quand t'es blasé de la vie madrilène, que t'as plus la notion des choses, un bon tour à Lens, eh ben, t'es calmé direct. Hein. Là, c'est bon, ça y est, tu réapprécies ce que t'avais. Tu vois, c'est le beau ciel gris, les frites trop grasses, les familles dentées avec une haleine de maroilles, des cousins mariés entre eux. Bref. Comme on dit là-bas, le Pas-de-Calais, nous allons vous faire aimer votre région. Voilà. Certains ont été interdits de stade pour moins que ça, je te signale. Oui, ben je suis interdit de stade, hein, je IDS en force les mecs hein. On est tous là. Top 50, alors bien sûr facile, vous êtes moqué de enfin Daniel qui s'est moqué de Ribéry. Parce que c'est vrai que Ribéry, bon, il parle très bien le patois du Pas-de-Calais. En plus, lui, il a fait l'amour avec un pare-brise un peu plus jeune, donc ça n'aide pas non plus à la compréhension. Et ça, non, mais moi, je comprends, Daniel. Parce que c'est comme, tu vois, c'est comme Michel Sédoux, son espèce de patois, là, c'est pas mieux, c'est un patois bourgeois, mais on comprend rien quand il parle les plus, les moins, les moins, les plus. En fait, moi, je suis d'accord avec Daniel. Lui, il dit qu'en fait, ceux qui parlent le mal l'accent, entre ceux qui parlent mal la France, ceux qui ont un accent de bouseux, ceux qui ont une tête d'immigré de première génération, ça va pas. La France, ça devrait s'arrêter entre la porte de Saint-Cloud et l'île de la Cité. Tu vois, c'est, moi, je pense pour une France vraie, une France qui parle français, un français châtié avec une équipe de France peuplée d'énarques, de sang royal, des capétiens, des bourbons. Voilà, ça, c'est la France, hein, Daniel. On va peut-être pas gagner la Coupe du Monde avec, hein, par contre, hein, on va pas se mentir, hein, parce que si tu regardes bien, c'est quand même pas que de la France de souche. Olas qui dit qu'a priori Claude Puel devrait rester entraîneur de Lyon. Alors tu vois, moi j'ai un problème avec les a priori, je pense que les a priori ça n'a rien à faire dans la société. Tu vois, c'est comme les préjugés, ça gangrène le sport depuis des années, les a priori sur les origines, sur la couleur, sur la religion. Mais s'il y a bien un a priori qui est vraiment horrible dans le sport, c'est l'a priori comme quoi Claude Puel va rester à Lyon. Ça je pense que pour le sport c'est terrible, on se demande ce que fait la LICRA, hein, la Ligue contre les rabat-joie, parce que les mecs comme Puel, il faut s'en débarrasser. Brésil-Écosse dont vous avez parlé avec un joueur qui a disparu, c'est André. André, qui est, oui, depuis qu'il est à Bordeaux, André. Et en même temps, moi j'ai quand même du mal. C'est quand même André, c'est quand même un mec qui a un nom de godasse bon marché quand même. Tu vois, il s'appellerait Nike, Adidas, Berluti ou Weston. Tu vois, mais André, c'est comme Eram. Tu vois, ça fait pareil. À la limite, il va peut-être s'entendre avec Marc Bata. Mais sinon, en tant que footballeur, je lui donne pas beaucoup de Néné. Néné, le Brésilien dont on n'a pas beaucoup parlé. Néné qui a quand même qui a été requinqué, même s'il a été un peu triste en milieu de semaine, puisqu'il y a eu la mort d'Elizabeth Taylor, et comme tous les gens du monde du cinéma, Néné il a été triste, hein, parce que je peux passer directement. J'ai les chansons là déjà. Ah oui, il reste 4 minutes. Oh non, c'est pas vrai. Si. Bon bah écoute, j'avais plein de choses à dire, je vais passer directement aux chansons. Alors j'ai des chansons. J'avais promis des chansons sur l'OGC Nice, et donc j'ai tenu ma parole. Ah. Et voilà, donc c'est spécial pour Eric Roy. C'est parti donc d'abord sur l'OGC Nice, un club de guerriers, comme on les aime. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. L'OGC Nice, c'est vraiment le maintien juste au dernier moment. Titulaire ou remplaçant, c'est pas vraiment différent. L'OGC Nice, c'est vraiment des joueurs de classe, mais du dernier rang. Une frappe d'Elbuic, est-ce dedans? En fait, ça dépend du vent. Quand vient d'en face l'attaquant, y'a Civelli qui l'a ton tournant. Emers Faé vise les flancs, Ospina ramasse les dents. Parce que l'OGC Nice, c'est vraiment un jeu technique beau et chatoyant. Tu récupères dans ton camp, ferme les yeux, balance devant. L'OGC Nice, merci. Merci pour eux. Et puis d'abord rendre aussi hommage à un magnifique gardien de l'OGC Nice qui a quand même de beaux restes. Hein, c'est notre ami Lionel, un ancien du Paris Saint-Germain. Il faut que je retrouve un petit peu les paroles. Parce Lionel que Letizy. Lionel Letizy, par exemple. Est-ce qu'on peut lancer... Tu pourrais finir en finale de la Coupe de France contre, par exemple, le Paris Saint-Germain. Justement, une très belle finale. Moi, je pense qu'il finira contre le SCO d'Angers, mais bon, c'est autre chose. Lionel Letizy, vas-y. Lionel, un dernier match, peut-être un avant-dernier. Une demi-finale qui va faire mal. Il est là. Il est en force, c'est Lionel. Mi-finale, qualifié à l'arrache, on tombe contre le LOSC. On est mal, ils vont nous balader dans nos slips, on fait du viandox. Qu'est-ce qui se passe? On est fin du temps réglementaire. Car en face, ils ont Michael Landreau. Relax, t'as les teasy. C'est le meilleur sur les pénaux. Relax, t'as les teasy. Il est bien plus fort que Landreau. Relax, t'as les teasy. C'est le meilleur. T'as dit cheesy. Tirer en finale contre le score. Merci pour lui. Bon. Et une dernière. C'est mythique, ça, c'est la causerie d'Eric Roy que t'as fait. Attends. Et alors là, la dernière sur Renato Civelli, parce que c'est quand même le meilleur. Ah. Et c'est parti, Renato, c'est pour toi. Oui, bonsoir. Vous êtes prêts pour disco avec Renato. Y'a pas de saison que t'as chaussé tes crampons, les glons. Même pas de saison que t'es déjà le patron. En taclant du deuil une cadence à tes pas. Pas besoin du ballon au bout de tes doigts. Tu lis les pieds que l'on t'a donné. Ils sont faits pour ça, pas pour faire des gris-gris de Maradona. Ok, t'es argentin comme tes vestes, mais t'es pas une tarlouse comme Lucho la gonzesse. Tu centre, direct en tribune, c'est. Et tu tacle, c'est ta façon d'aimer. Un mélange de Heinze et de Basile Boli. Retenez bien son nom, c'est Renato Civelli. Et tu centre, direct en tribune, c'est. Et tu tacle, c'est ta façon d'aimer. Un coup dans l'abdomen. Mène un coup dans les parties. Retenez bien son nom, c'est Renato Civelli. Merci, bonsoir.